Les cracheurs. Le mois de novembre dernier, trois bons compagnons étaient réunis au cabaret, buvant auprès d'un feu de bois clair et joli. Ils avaient le catarrhe et ne cessaient de cracher à terre de longs flegmes de pituite. Après maintes et maintes chopes vidées, voici venir le cabaretier. Il s'approche et leur demande s'il ne peut rien pour leur faire plaisir. Quand, les voyant si abondamment salivés, il leur dit en riant: Corbleu, vous allez éteindre le feu. Eh, ce ne serait pas le premier, répondit l'un des buveurs. Nous en avons, jadis, refroidi de fichtres mieux allumés que celui-ci. Vraiment, dit l'autre, n'est tout de même pas damné qui ne vous croit, n'est-ce pas? Quoi? Vous ne nous croyez point? Réplique un buveur. Ma foi, non, et pas du tout. Eh bien, voulez-vous parier l'écho que nous éteindrons de la sorte devant vous et tout noir? Votre feu que voilà. Par Saint-Chenet, je tiens le pari, répond le cabaretier. Et je suis sûr de gagner. Et nous aussi. Et les voilà, tous trois, devant l'hôte, qui se mettent à cracher sur les bûches, si copieux, si dru, si souvent, qu'ils eurent bientôt étouffé le feu, noir comme fer, encore qu'il y flambât trois fagots et huit grosses bûches d'estoc. Le cabaretier fut bien fâché d'avoir perdu et de voir les buveurs s'en aller sans payer. Ils n'avaient pas en feu, pain, bière triple, viande et moutarde, tout compté, déduit et rabattu, détruit pour moins de 144 mastocs. Il est vrai de dire qu'ils en donnèrent, en partant, trois à la servante. Ainsi, la bouche envenimée éteint la bonne renommée.